Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission un duo uni au concert comme à la ville. Le duo Benatar, Viviane Benatar qui est violoncelliste et Frédéric Benatar qui est guitariste. Et donc ensemble, eh bien, on va présenter leur parcours respectif et puis on va explorer un répertoire qui n'est peut-être pas si connu que cela et que vous interprétez depuis combien de temps déjà ? Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps vous jouez ensemble ? Une trentaine d'années, on va dire. Une trentaine d'années. Alors, je disais, ce répertoire, il n'est pas tellement connu parce que ça peut surprendre violoncelle guitare quand même, non ? Eh bien, ça surprend maintenant, mais comme il y a des œuvres originales du 19e, à l'époque, ils n'étaient pas du tout surpris. Mm-hmm. Et d'autant moins surpris que Schubert a inventé un instrument qui s'appelait la guitare violoncelle, mm-hmm. la guitare à archet. Et qu'on appelle maintenant l'arpeggione, mmh. et c'est son, puisque Schubert était guitariste, c'était son luthier de guitare, Stauffer, qui avait inventé cet instrument hybride. Mmh. Mais bon, c'est vrai que le violoncelle, Viviane, on a plutôt l'intent, enfin, on l'entend plutôt avec le piano, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on n'a pas pensé à jouer ensemble d'abord. Mmh. On a pensé à faire autre chose. Bon, oui. Ça, bon. Clairement. Puis un jour, on était en vacances et Frédéric donnait des cours. Moi, j'étais en train de couver puisque j'attendais ma première fille. Et à la fin de son stage, il y avait un petit concert. Mmh. Et on s'est dit, tiens, et si on jouait quelque chose, ouais. tous les deux. Mmh. Donc c'est venu comme ça, spontanément, avec une sonate de Vivaldi, dans mon souvenir. Et après, on s'est dit, et pourquoi pas chercher autre chose ? Ouais. Et tout doucement, on a commencé à fureter. C'était dans les années 90. Et bon, on était tous les deux de musiciens amoureux, mm-hmm. donc dans la vie, ayant envie de jouer ensemble, ce qui me semble tout à fait normal, mais ouais. on n'avait pas encore pris l'envergure réelle de ce que nous pouvions amener au répertoire. Ouais. Et il y a eu un effet, je pense, très important, c'était l'exposition universelle de Séville, mmh. qui date de 1992. Mmh. Qui était un événement. Hein. Un événement. Mmh. Et là, je pense que Frédéric peut raconter encore mieux que moi ce qui s'est passé, puisque c'est lui qui... On avait un ami qui s'appelle Jean Poinsignon, ouais. qui avait commencé à nous écrire des pièces. Ouais. On va en écouter d'ailleurs du oui. Jean Poinsignon. Oui. Hein. Et bon, c'était à une époque où c'était très compliqué pour un informaticien d'écrire la musique sur ordinateur, donc il fallait que je réécrive avec lui, il n'y avait pas encore tous ces logiciels qui existent oui. maintenant. Et bon, il s'était inspiré d'Italo Calvino pour trois de ses pièces. 1992, c'était aussi l'anniversaire de la découverte de l'Amérique. Mmh. Donc il y a une pièce que je trouvais magnifique, qu'on n'écoutera peut-être pas aujourd'hui, mais qui, pour moi... évoquait la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire ouais. que je voyais les Indiens voir mmh. arriver ces énormes bateaux, ça c'était dans mon imaginaire. Et puis après est arrivée une aventure qu'on a trouvée extraordinaire pour nous, qui nous a amené finalement à comprendre qu'on avait vraiment quelque chose à faire dans le monde de la musique. Et vous avez eu raison, d'ailleurs vous avez enregistré énormément de disques, vous avez une oui. belle discographie derrière vous, hein. Merci. Magnifique, hein. Et on va écouter un peu de musique quand même, c'est une émission musicale, hein, faut le rappeler, un peu de la musique d'Antonín Kraft que vous avez enregistrée. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce compositeur ? Alors Antonín Kraft n'est pas vraiment connu dans le monde de la musique, mais il est connu par les violoncellistes, parce que c'était le violoncelliste pour lequel Haydn a composé ses concertos, et particulièrement le concerto en ré. Mm-hmm. C'était un compositeur, puisqu'on le voit avec son divertimento, mais il a aussi écrit un concerto qui est enregistré par Anner Bylsma, que j'ai réussi à me procurer. Voilà, c'était un virtuose de son voilà. époque. Oui, le nom me disait quelque chose, parce qu'à force de présenter des émissions de musique classique, on retombe toujours un peu sur les mêmes noms, et je me disais, Kraft, mais qui c'est celui ? Ça me dit quelque chose. Et puis effectivement, c'est lui qui a, pour lui que Haydn a composé ses fameux concertos. Allez, on va écouter le duo Lévy-Benatar dans la musique d'Antonín Kraft, successivement Adagio, Lento Cantabile et Allegretto. Thank you. Pièce d'Antonin Kraft interprétée par le duo Lévy Benatar, mes invités d'aujourd'hui, violoncelle, guitare. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression quand même, mon cher Frédéric, que vous êtes un petit peu la basse continue, toujours vous, non ? Ah, c'est, là-dedans, c'est complètement la basse continue. Oui. Et c'est pas un peu frustrant par moment ? Pas du tout, parce que les lignes, on le verra plus tard dans Vivaldi, les lignes, il peut y avoir simplement une ronde, et c'est à moi à tisser un contrepoint autour de l'œuvre, autour de la note qui est écrite, de manière à soutenir, à porter, et être en même temps que le soliste. La basse continue, en tout cas au XVIIe siècle, très souvent c'est le chef d'orchestre qui fait la basse continue. Ouais. Par exemple, Nicolas Arnoncourt fait la basse continue au violoncelle, j'ai écouté plusieurs fois, il dirige du violoncelle en faisant la basse continue. On peut imaginer qu'on accompagne et qu'on suit, en réalité on porte et on dirige. Je ne veux pas dire que je dirige ma femme, bien évidemment. Non mais c'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un petit peu le parent pauvre du duo, quoi. Pas du tout. Voilà. En tout cas, deux instruments qui se marient très très bien, hein, tessiture. Qu'est-ce que vous en pensez, Viviane ? Ah oui, ça, c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que en fait ce sont deux instruments à tessiture grave. Mais souvent on me dit, le violoncelle c'est proche de la voix humaine, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas dans le son de l'instrument, c'est plutôt dans sa tessiture. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut être très grave comme être très aigu. Et on couvre ainsi la tessiture humaine. Et la guitare c'est pareil. C'est un instrument qui va aussi du grave, peut-être pas aussi aigu que le violoncelle. Et on était très étonnés de voir à quel point on arrivait à faire sortir de chaque instrument les beaux sons. Et sans se couvrir. Bon, il faut savoir aussi que ce travail que vous avez écouté, ces pièces et tout ce que vous allez écouter maintenant, ce sont des heures et des heures de travail. Mais on imagine, bien sûr. Des heures et des heures, ne serait-ce que pour l'attaque. Je joue une note, la guitare joue en même temps. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'elle aille un petit peu en arrière par rapport au violoncelle. L'émission du son n'est pas la même. Donc, c'est un travail de joaillier. On est très, très, très précis. Une horlogerie musicale. Oui, oui. Et c'est ce qui fait que cette complicité que nous avons certainement dans la vie, mais surtout en musique, artistiquement, c'est parce qu'il y a des heures et des heures de boulot. Oui, mais ça s'entend quand même. Hein. Frédéric, vous vouliez nous raconter une petite anecdote, je crois. Oui, à propos de l'œuvre qu'on va écouter. Oui, c'est une œuvre de Jean Poissignon, c'est ça. Alors, j'ai eu ma phase de musique ancienne, puisque je joue du théorbe, du luth, de la guitare baroque. Et à un moment donné, un de mes amis m'a dit... Juste une question, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que ce sont des instruments qui, techniquement, sont similaires ou pas ? Pas du tout, non. Il faut apprendre et la technique et la lecture, puisque c'est très souvent en tablature, soit tablature italienne, soit tablature française. On est obligé de se transformer un peu en musicologue. Voilà, c'est une parenthèse. Voilà. Reprenez, excusez-moi. Voilà. Et il y a un de mes amis qui dit, tu es un traître à la guitare, c'est pas possible. Il y a un grand festival de musique contemporaine à Paris, je t'ai programmé. À toi de trouver des compositeurs en duo violoncelle guitare. De toute façon, tu es programmé pour la saison prochaine. Il faut que tu me donnes la liste des œuvres d'ici un mois. Donc moi, je contacte plusieurs compositeurs, certains que je ne connaissais pas, mais relativement connus. Et puis un de mes amis qui s'appelait Jean Poissignon, qui habitait à côté de chez moi et que j'avais connu à la radio. On travaillait ensemble à la radio. et lui emballé par cette idée. L'idée aussi de d'écrire des œuvres devant un public composé essentiellement de prix de Rome, parce que tous les compositeurs sont là pour écouter. Il nous écrit 4 œuvres qui devaient être jouées à Paris. Et dans le même temps, au moment où il écrit ça, où il finit d'écrire ça, je tombe sur un de mes vieux amis, Tito, le directeur ou président du Festival de Jazz de Nancy, qui me dit « Oh là là, ça va pas du tout, j'ai pas le moral. » Je dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tito ?» Il me dit « Ben voilà, il y a l'exposition universelle de Séville, il y a Rossino qui m'a dit de trouver quelque chose à donner aux gens qui viennent, puisque c'est la Lorraine qui va inaugurer le pavillon de la France. » Et il m'a dit « Et puis pas des madeleines de Commercy. » Il me dit « Et je trouve strictement rien à faire. » Je dis « Mais Tito, le problème, c'est que tu sais, tu es pas au courant de l'activité artistique de Nancy. Pour les concerts SPAG, de, concerts de réputation internationale, nous, on va jouer des œuvres de Jean Poincignon, compositeur lorrain. » Voilà. Il dit « Ah bon, oh, c'est intéressant ça. » Et le soir, il m'appelle, il me dit « Est-ce que vous pouvez enregistrer ça en disque après-demain ?» Et je dis « Bah oui, il vient juste de finir d'écrire son œuvre. » Je dis « Oui, il n'y a pas de problème. » Donc, après le coup de téléphone, je me mets au boulot. À 11h du soir, Viviane rentre et elle me dit « Mais enfin, t'es complètement malade, tu joues à 11h du soir ?» Je dis « Bah oui, parce qu'on enregistre ça après-demain. » Et puis elle s'est mise au violoncelle, elle aussi. Vous avez travaillé toute la nuit, là. Bon, on va écouter une pièce donc de Jean Poincignon qui s'appelle « Le chevalier inexistant ». J'imagine que ça a été créé dans le contexte que vous venez de rappeler. Donc ça a d'abord été créé discographiquement et ensuite pour le concert SPAG à Paris. Ah, une musique étonnante, hein. Je trouve un peu teintée d'espagnolade, non? De musique un peu espagnole, non? La musique de Jean Poissignon, pas trop? Moi, non. Je trouve qu'elle est surtout jazzy. Ah oui. Plutôt que espagnol, mais très souvent. Hispanisant, de chercher le mot. Oui. Le compositeur dit des choses à laquelle, auxquelles il n'avait absolument pas pensé. Il dit ah oui, tiens, c'est vrai, c'est aussi hispanisant, et il s'en était pas du tout rendu compte. Alors, c'est Le Chevalier Inexistant de Jean Poissignon, interprété par mes invités d'aujourd'hui, le duo Lévy-Benatar. Viviane, comment avez-vous découvert le violoncelle et à quel âge? Alors, c'est une histoire un peu compliquée, mais très rapide à expliquer. En fait. J'ai un frère et une sœur qui sont plus âgés que moi. Mon frère jouait du violon, ma sœur du piano. Donc mes parents ont dit, tu joueras du violoncelle. Pour faire un trio, quoi. Voilà. Sauf que j'avais 4 ans. Et que, à cette époque-là, 4 ans, c'était trop petit pour faire de la musique du violoncelle. Donc ils avaient acheté le violoncelle, le tabouret, que j'ai toujours d'ailleurs. Et ils ont cherché un prof. Et là, ils ont dit, non, pas avant 8-9 ans, c'est pas possible. À l'époque, on commençait relativement tard. Donc j'ai fait du piano. Beaucoup de piano, et à 15 ans, j'ai commencé du violoncelle avec une prof qui s'appelle Reine Flachot, qui était une très très grande violoncelliste. Mais pour moi, je n'étais pas du tout dans cette optique de devenir violoncelliste professionnelle. Par contre, j'étais au conservatoire de Bâle, en Suisse, et un grand violoncelliste qui s'appelle Rostropovitch est venu là, pendant plusieurs semaines, donner des masterclass. Et on a eu cette chance, nous les élèves, d'être invités, non pas pour jouer, mais pour écouter. Parce que les élèves étaient tous des élèves très diplômés, bien sûr, triés sur le volet. Donc j'ai assisté à ces cours à 17 ans, c'est absolument incroyable de pouvoir voir ça, de pouvoir voir Rostropovitch de près, et de l'entendre parler, rigoler, enfin, c'était vraiment formidable. Et bon, les élèves jouent, dont un qui s'appelle Thomas Domenga, qui était un violoncelliste suisse, qui existe toujours d'ailleurs, et qui a joué les variations rococo de Tchaïkovski. Et là, je suis restée, mais bouche bée, et j'ai dit, mais c'est ça le violoncelle. Et à partir de là, j'ai travaillé, parce que j'ai commencé tard, 15 ans, c'est assez tard, sachant que quand on vient du piano, bon, on progresse beaucoup plus vite. Et puis, voilà, j'ai travaillé avec un autre professeur après, avec Roger Albin, qui a dirigé pendant je ne sais plus combien d'années, je crois 20 ans, l'Orchestre de Strasbourg. Et après la dissolution de l'orchestre, il est devenu soliste à l'Orchestre National de France. Donc, j'ai eu cette chance aussi extraordinaire d'être son élève. Et puis après, je suis devenue l'élève de Thomas Domenga. Voilà, c'était trois lumières dans ma vie. Qui m'ont guidée, qui m'ont donné envie d'être curieuse, parce que c'était comme ça qu'ils enseignaient, c'était pas du tout, faut faire ses gammes, faut faire ça. Non, rien de flash. Oh, t'es douée toi, tu vas jouer la première suite de Bach et puis le concerto en do de Haydn. Ah bon? Et je savais pas jouer du violoncelle, c'était tout par instinct. Donc c'était extraordinaire d'avoir ces enseignants. Et mais vous êtes issu d'un milieu musical en soi ou pas? Non, mais mes parents adoraient, mélomanes on va dire. Ma grand-mère était pianiste professionnelle. D'accord. Voilà. On va écouter un peu de musique. Hein. Jean Barrière, c'est un compositeur du XVIIIe siècle, assez célèbre pour apparaître sur un tableau qui orne souvent les pochettes de disques, hein, je crois. Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'est Patrick Domenga, le frère de Thomas, et Thomas qui jouent ensemble. Et j'avoue que quand on écoute, je crois que la réponse est dans l'écoute. Ouais. Bon, on va écouter tout de suite cette sonate en sol majeur pour deux violoncelles de Jean Barrière, 1705-1747. Thank you. Discothèque classique, votre émission classique sur Fadjet. Et c'était donc une pièce de Jean Barrière, un extrait d'une sonate jouée par le duo Thomas Demanga et Patrick Demanga. Et toujours en compagnie du duo Lévi Benatar, violoncelle-guitare, Viviane Benatar qui est violoncelliste et Frédéric Benatar qui est guitariste. Alors Frédéric, à vous maintenant de nous parler de votre parcours. Vous venez de me confier hors antenne que vous aviez joué le concerto d'Aranjuez. Alors là, chapeau, hein. Difficile. Hein. Oui, alors au moment où il a été écrit, Segovia l'a renvoyé en disant « c'est injouable et en réalité c'est un beau concerto pour mandoline oui. ». Et dans les années 50, il y avait peut-être 5 personnes dans le monde qui étaient capables de le jouer. Mmh. Et au moment où je suis parti, puisque j'ai enseigné pendant 40 ans au conservatoire à Nancy, les gens, lorsqu'ils passaient leur prix, jouaient le concerto d'Aranjuez. Évidemment, oui. Mais alors, comment avez-vous découvert la guitare, Frédéric ? Alors, j'ai découvert la guitare sur la plage. Je me suis aperçu. Sur la plage. Je me suis aperçu que les garçons, à 14-15 ans, avec leur guitare, ils charmaient les filles. Ah, et je me suis dit, moi aussi, hein. Je veux une guitare. Bon, j'aurais dû faire de la guitare. Donc, mes parents m'ont acheté une guitare. C'était une guitare Echo à 5000 euros, ce qui représente l'équivalent de 30 francs. Oui, 5000 francs, vous voulez dire. Non, je dis bien 30 francs. 5000 lire, pas 5000 euros. Oui, 5000 euros. Lire, je comprenais pardon. Pas, oui. Excusez-moi, 5000 lire, 5000 lire. Donc, l'équivalent de 30 francs. Je l'ai regardé pendant 3 mois sans jouer. Ouais. Et puis un jour, une cousine de ma mère qui était violoniste dans un orchestre dit « Mais la guitare, faut la prendre, hein, c'est très joli. Mm-hmm. » Donc, elle m'a inscrit chez un professeur à Nancy qui s'appelait Gérard Didier et qui m'a donné mes premières leçons de guitare. Mm-hmm. Homme absolument charmant, il était aussi violoniste et professeur d'harmonie, ouais. Mais pour une raison mystérieuse, alors que je faisais beaucoup de progrès, au bout de 6 mois, j'ai décidé que je pouvais travailler seul. Ah. Et j'ai commencé à travailler tout seul, en cherchant toutes les méthodes, en essayant de faire exactement ce qu'il y a dans les méthodes. Et à 19 ans, alors, je travaillais seul, mais j'avais une réputation de guitariste, donc on me faisait jouer de temps en temps. Donc je jouais de temps en temps un quart d'heure, Salle Poirel. J'avais déjà joué avec l'orchestre du lycée Poincaré, oui. Où j'avais déjà joué. Mais vous vouliez déjà être musicien professionnel ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. J'avais déjà joué le concerto de Castelnuovo Tedesco lorsque j'étais en terminale. Et à 19 ans, là, j'ai dit je vais devenir professionnel. Et mes parents me disent, bah alors il faut prendre des cours sérieusement. Donc je suis allé à l'école normale de musique, passer le concours d'entrée, et c'était Alberto Ponce, le professeur. Mmh. Et Alberto Ponce, au bout de 2 minutes de jeu, il me dit, bon, ça va, je te prends, toi. Ouais, bah c'est bien, ça il me dit, mais avec qui t'as travaillé ? Je dis, ben, tout seul. Il dit, bon, alors pourquoi tu veux travailler avec moi ? C'est très bien ce que t'as fait tout seul. Mais quand on commence un instrument comme la guitare, qui est peut-être davantage mise en valeur par d'autres répertoires que le classique. Je dis ça, c'est évidemment, j'adore la guitare classique, mais on peut penser qu'au départ, on est plutôt attiré vers le jazz ou voire la guitare électrique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes orienté plutôt vers la musique classique ? Ah, là, je pense que c'est quand même Monsieur Gérard Didier qui m'a fait découvrir la musique classique, parce que les premières pièces qu'il m'a donné à faire, c'était une pavane de Louis Milan, compositeur du XVIe siècle, une étude de Napoléon Coste, et donc lui, il était dans la musique classique, et je dois dire que je crois qu'il y a eu un coup de foudre tout de suite pour ce type de répertoire. Mm-hmm. Pour moi, c'était impensable de travailler autre chose. Et puis, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était la gestion du pianissimo et du piano. Mm-hmm. Or, lorsqu'on écoute les musiques amplifiées, je dirais que c'est la gestion du 4 fois forté avec le 5 fois forté et le 6 fois forté. Bien sûr, oui, c'est évident. On va vous écouter une pièce de Rodrigo, Joaquín Rodrigo, toujours le duo Viviane Lévi-Frédéric Benatar, dans 2 pièces de ce compositeur espagnol connu pour son concerto de Aranjuez, mais bon, pas que, il a composé Fantaisie pour un gentilhomme. Vous l'avez joué celle-là aussi, Fantaisie pour un gentilhomme ? Oui, dans une version pour guitare et clavecin. Ah, ça doit être pas mal d'ailleurs. C'est très sympa. Et on va écouter Deronda et Adela par le duo Lévi Benatar. Et Voilà, c'était deux pièces de Joaquin Rodrigo qui s'appellent Deronda et Adela, jouées par le duo Lévy-Bénatar. On va parler un peu du répertoire pour violoncelle et guitare, Viviane et Frédéric, si vous le souhaitez. Donc, c'est une combinaison instrumentale, comme je le disais, qui est assez, qui paraît assez rare, mais en fait, pas tant que cela. Est-ce qu'il existe un répertoire authentiquement destiné à ce duo ? Bien évidemment. Il y a d'une part... Pas toujours dans la transcription, excusez-moi, oui. Je vous coupe encore. Toutes les œuvres que les compositeurs ont écrites pour nous, il y a toutes celles qu'on a jouées et toutes celles qui dorment encore parce qu'on a reçu des paquets de musique absolument invraisemblables, qui nous sont dédiés. Et ça va de François Verken, François Rosset, c'est-à-dire des grands compositeurs français. Mais il y a tous les compositeurs du 19e qui ont écrit beaucoup pour ce duo-là. Les virtuoses italiens comme Lignani, Giuliani, Caroli, tous ces gens-là ont écrit pour guitare et violoncelle. Même chose pour Matiéka, qui était l'ami de Franz Schubert, et Leonard de Cal. Il y a énormément d'œuvres écrites originellement pour guitare et violoncelle au 19e siècle. D'accord. Et on connaît aussi l'importance de la guitare dans le répertoire sud-américain. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités, des ouvertures vers ce répertoire ? Viviane ? Oui. Mais là, je vais laisser parler Frédéric. Mais je vais quand même rajouter, parmi les compositeurs qui ont écrit vraiment spécifiquement pour violoncelle et guitare, c'est étonnamment un compositeur qui est dédié au piano, qui s'appelle Burgmüller. Et que les pianistes connaissent parce qu'il a écrit de charmantes petites études. Et il a écrit trois pièces originales pour le violoncelle et la guitare. Et je me rappelle d'une professeure qui est maintenant partie du conservatoire de Nancy, qui s'appelle Odile Ledieu, qui était venue nous écouter et qui a tout rejoué. Elle a rejoué tous les Burgmüller et elle m'a dit « Je n'en ai pas trouvé une seule qui soit aussi belle que ces trois-là. Ouais. » Oui, c'est vrai que c'est un compositeur qu'on trouve souvent sur sur les disques de duo violoncelle-guitare. Oui, parce qu'il est connu. Oui. Donc, Frédéric, ce répertoire sud-américain, par exemple, il y a des ouvertures pour vous dans ce domaine ou pas ? Alors, il se trouve que du temps où j'étais professeur au conservatoire, tous mes élèves voulaient jouer ce répertoire, donc je l'ai fait énormément travailler. Et curieusement, à force de le faire travailler, je n'avais plus aucune envie de le jouer. D'accord. Oui, ça arrive, la saturation. Voilà, complètement saturé. Et en fait, en ce qui concerne le répertoire, on a cette curiosité, parce que je vous dis, à violoncelle, voix humaine, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a des choses merveilleuses pour chant et guitare. Et on en a écouté là, puisque Adela et la Rota, c'est aussi écrit pour... La Ronda, pardon, sont écrits originellement pour le chant. Oui, de Rodrigo. Mmh. Donc, rien ne nous empêche de chercher des œuvres écrites, par exemple, pour le violon. Parce que violon-guitare, il en existe aussi. Mais là, il faut les retravailler, parce que le violon n'est pas accordé de la même manière que le violoncelle. Donc, il faut revoir beaucoup de choses. Est-ce que ça vous est arrivé de transcrire vous-même des pages très célèbres de Bach, par exemple, ou de Vivaldi ? Non. Alors Vivaldi, oui, puisqu'on a enregistré des sonates de Vivaldi. Mais est-ce qu'on peut parler de transcription dans la mesure où Vivaldi écrit violoncelle et basse continue, et le travail du continuiste, le guitariste en l'occurrence, c'est d'écrire une harmonie, puisque l'habitude italienne, c'est de ne pas chiffrer les basses continues. Donc il faut écrire une harmonie plus un contrepoint. Donc c'est un travail que j'ai adoré faire pour Vivaldi, puisque... on a dédié un disque exclusivement à des sonates pour violoncelle et guitare ou guitare et violoncelle. Alors là, on va retrouver un compositeur espagnol. Évidemment, l'Espagne, la guitare, tout ça, c'est lié. Fernando Sor, c'est un peu le Chopin de la guitare, non, quelque part, lui. Compositeur espagnol, bon, qui a inspiré d'autres compositeurs comme De Falla. Alors, je ne suis pas sûr que Sor ait inspiré Manuel de Falla, puisque Manuel de Falla, lui, son inspiration, c'était plutôt le cante rondo, la recherche du folklore original. Et avec ses amis de la Société de musicologie espagnole, ils avaient fait des festivals de musique flamenca, ils voulaient retrouver l'âme du folklore espagnol. J'ai pas eu l'impression que c'était la problématique de Manuel de Falla de retrouver des compositeurs comme Fernando Sor. On va écouter deux pièces de Falla, toujours interprétées par le duo Lévy-Bénatar, Rota et Nana. Thank you. c'était Rota et Nana, mais bon, il y a eu un petit problème sur les indications de la pochette de disque. C'était une œuvre, en fait, non pas de Manuel de Falla, mais de Federico Garcia Lorca, toujours interprété par mes invités, Viviane Lévy et Frédéric Benatar. Merveilleuse interprétation. Moi, je ne savais pas, enfin, je l'avais déjà lu, mais enfin, que Federico Garcia Lorca, poète bien connu et exécuté, on le sait, par les franquistes, avait écrit une si belle musique, hein. Franchement, merci de nous l'avoir fait découvrir, en tout cas. Merci. On va parler un peu du répertoire, donc, enfin, du répertoire en concert. Vous donnez beaucoup de concerts par an ou pas ? Ça dépend des moments. À un moment donné, on avait un impresario en région parisienne qui nous faisait faire 4 concerts par mois à Paris, c'est-à-dire 2 d'affilée, c'est-à-dire 1 à 4 heures, 1 à 6 heures. Mm-hmm. Et là, ses indications étaient très claires. Il faut qu'il y ait obligatoirement Bach, Vivaldi, sort. Vous débrouillez comme vous voulez. Ah oui, d'accord. Il faut qu'il y ait ces 3 œuvres dans le programme. Et puis, on a travaillé longtemps avec cet impresario. Mais il est évident que lorsqu'on joue pour un festival de musique contemporaine... Ouais. On va pas dire, on veut jouer Vivaldi, Bach et sort. Là, à ce moment-là, c'est des compositeurs particuliers qui vont être joués. Ouais. Et puis, si on est invité par des soirées romantiques, bah, ça va être la guitare romantique et le violoncelle. Ça va être, ouais. C'est quand même fonction des organisateurs. Et puis, des fois, on s'est fait persuader d'enregistrer un disque de Vivaldi, eh ben, il faut qu'on fasse tourner ce programme. On l'a rodé avant l'enregistrement, on le rerode après pour vendre le disque. Ouais. Donc ça va être essentiellement du Vivaldi. Il y aura 2 ou 3 sonates de Vivaldi au programme. Ça peut arriver qu'on se dise, tiens, j'ai vraiment envie de jouer ça. Et puis on se dit, ah oui, mais où je vais le jouer, etc. Ah ben, on va attendre, on le jouera plus tard. Il faut se mettre d'accord tous les deux, j'imagine. Parce oui, en général, on est quand même 2 pour choisir. Oui, vous arrivez tout de même à voir. Oui. Trouver un répertoire, un programme sans problème. Convienne. Je suis un homme obéissant, j'obéis toujours aux souhaits de ma femme et tout se passe très bien. Tellement rare, tellement. C'est touchant. Donc voilà, vous êtes produit aussi dans l'Est un petit peu aussi. Oui, tout à fait. À Nancy, souvent. À Nancy, à Bâle, à Mulhouse, Strasbourg, enfin, oui. Mais c'est vrai que parfois, certains programmateurs, pour faire passer, entre guillemets, la musique contemporaine, ils l'insèrent dans des œuvres très célèbres. Par exemple, on peut passer une œuvre contemporaine, une œuvre symphonique, encadrée par, je ne sais pas, une ouverture célèbre, et puis la 5e symphonie de Beethoven, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose qui vous avez essayé ? Si, je trouve que c'est une grande sagesse, parce qu'à un moment donné, on a fait un concert que de musique contemporaine, et beaucoup d'amis étaient là, et ils nous ont dit... Ne refaites plus jamais ça. Hein. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'un quart d'heure de musique contemporaine, c'est passionnant. Une heure, non, c'est pas possible. Si c'est de la musique atonale, mais si c'est de la musique tonale. Ben, les réactions du public, et on joue quand même essentiellement pour le public, c'est notre manière de montrer qu'on aime les gens. Je veux dire, si on n'arrive pas à leur faire plaisir, on passe complètement à côté de la plaque, quand même. Alors, je pense que vous faites souvent plaisir à vos auditeurs quand vous programmez du Vivaldi, n'est-ce pas, Viviane ? Oui, tout à fait. C'est un compositeur que vous aimez beaucoup, Viviane ? Ah, j'adore Vivaldi. Oui. Fait partie des grands compositeurs, je trouve, qu'on n'écoute peut-être pas assez. Ah bon ? Oui, même si on dit, bon, il y a souvent du Vivaldi, mais c'est les 4 saisons, c'est... Il y a beaucoup de belles choses qu'il a écrites qui ne sont pas assez jouées. Et puis un compositeur qui avait une insatiable curiosité finalement. Oui, aussi. Parce qu'il a composé des concertos pour violoncelle à une époque où peu de gens en composaient. Et puis pour des musiciennes qui étaient souvent très douées, très, très bonnes. Et je trouve que, voilà, bon, après c'est mon côté un peu curieux de chercher toujours les choses qui ne sont pas assez jouées. Par exemple, au violoncelle, il y a donc plusieurs sonates. Et celle que j'aimerais bien qu'on écoute n'était pas jouée en tout cas à l'époque, celle en si bémol, pardon, en sol. C'est celle qu'on entend, c'est toujours sol majeur et sol mineur, on n'écoute pas. Oui. Elle a été découverte un peu plus tard, mais maintenant, heureusement, la nouvelle génération de musiciens est beaucoup plus curieuse. C'est intéressant tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a une sonate qui est très célèbre, un mouvement lent, parce qu'il a été utilisé dans Barry Lyndon. Voilà, celui-là. Évidemment, il est très beau d'ailleurs. Oui, mais ça n'empêche pas la beauté. Dans Barry Lyndon, il a arrangé un concerto pour violoncelle d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Si, c'était joué par Pierre Fournier, aussi. Avec un petit ensemble derrière à cordes. Allez, on va écouter le duo Lévy-Benatar, sonate pour violoncelle et basse continue, en sol mineur numéro 9, un extrait tout au moins, le début. Voilà, un extrait, le début de la sonate pour violoncelle et basse continue en sol mineur numéro 9 de Vivaldi par le duo Lévy-Benatar. Et alors Viviane, vous me faisiez une remarque à ce propos. En fait, ce n'est pas la sonate pour violoncelle et basse continue, mais pour guitare et basse continue. Ah, mais moi j'ai lu la pochette. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on a tellement... Enfin, je vais faire celle qui a vraiment de... Ce qui ne prend pas pour rien, mais on a pas mal enregistré, du coup, quelquefois, ça se mélange. Mais effectivement, il y a deux sonates en sol mineur, une pour le violoncelle et une pour la guitare. Et celle qu'on a eu l'occasion d'entendre, c'est pour la guitare, et c'est moi qui fais le continuo. Bien. Donc, duo Lévy-Benatar, qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter en concert prochainement dans la région, j'imagine, j'espère, en tout cas. Hein, pour l'instant, pas trop de projets. Donc, vous peaufinez peut-être un nouveau répertoire, Frédéric, vous explorez de nouvelles œuvres? On explore toujours des nouvelles œuvres parce que notre, comme dit Aristote, on ne voit jamais deux fois de suite la même rivière. Même lorsque, par hasard, on dit tiens, je jouerai ça avec plaisir, et puis on se dit ah, mais qu'est-ce que je faisais comme horreur ? Mais non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Les doigtés, c'est des doigtés complètement sauts, etc. Donc une œuvre qu'on n'a pas jouée depuis 30 ans va fonctionner comme une nouvelle œuvre. Et des fois, je dis, tiens, il y a ça qui est encore dans les cartons. On n'a toujours pas joué. Il y a cette œuvre contemporaine. Le compositeur attend toujours qu'on la joue. Ouais. Il faudrait quand même s'y mettre, quand même. Ouais, et puis dans les œuvres les plus célèbres, votre vision forcément évolue, quoi. Ah, elle change énormément. On va écouter un peu de musique contemporaine pour le dernier titre de l'émission. Viviane, est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre qui s'appelle Fulgurance ? Alors, c'est une œuvre de François Verken, qui est un compositeur très reconnu en France, qui était aussi directeur de Radio France. Non, directeur des programmes de France Musique. Et qui nous a composé plusieurs Fulgurances, donc c'en est une. Qui est, d'ailleurs, voilà l'occasion de chercher éventuellement, parce qu'il les a réécrites pour orchestre, violoncelle et guitare et orchestre. Donc on a la partition. Malheureusement, François est décédé. Mais ça serait un bel hommage de pouvoir jouer ces pièces pour lui, avec derrière un orchestre. Voilà. Et petite anecdote, François Verken m'a dit, alors, ça s'appelle Fulgurance, c'est conversation entre un violoncelle et une guitare, mais ça ne me gêne pas que ce soit dispute entre un violoncelle et une guitare, bien sûr. Oui, c'est à vous de voir. Allez, on va écouter un peu de cette dispute, pas trop violente, j'espère. Fulgurance de Verken, quel était son prénom d'ailleurs ? François. François Verken, par le duo Lévy-Benatar. Thank you. Il y a un problème de micro, ça y est. Voilà, c'est un peu de la musique de François Verken, Fulgurance, jouée par mes invités d'aujourd'hui, duo Lévy Benatar. Merci à vous deux d'être venus dans l'émission. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Ah bah non, demain dimanche, je sais plus comment je vis moi. Demain dimanche pour une nouvelle émission de Discothèque Classique, et puis bien sûr la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, les dernières émissions de la saison. Allez, bon samedi à toutes et à tous, et à demain.